recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés. Je me suis déguisé l'année dernière en Santa Claus et alors j'ai demandé de l'argent pour des œuvres tout en mangeant du caviar. Et après, le soir, j'avais gardé la clochette du Père Noël. Je crois que c'est peut-être la première fois que quelqu'un de suffisamment connu utilise en plus une clochette du Père Noël pour se faire remonter. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent, ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. En cette journée où les enfants s'apprêtent devant des millions de cheminées à déballer les cadeaux du Père Noël, on peut être tenté, sans excès de perversité, de rappeler que celui-ci a été martyrisé, oui, martyrisé à Dijon, voici tout juste 65 ans, le 24 décembre 1951. Il a été pendu en effigie aux grilles de la cathédrale, puis brûlé sur le parvis. Pour les auteurs de cet épouvantable crime, dont semble-t-il certaines autorités ecclésiastiques, il s'agissait de dénoncer la paganisation de la célébration de la nativité par un mythe dépourvu de valeurs religieuses. Cet événement, dont Claude Lévi-Strauss a proposé à l'époque, dans un article fameux intitulé « Le Père Noël supplicié », une analyse anthropologique, cet événement incite à considérer la complexité d'une fête que seul un regard superficiel pourrait croire toute simple et doucement conviviale. Je vous propose de replacer Noël dans sa pleine profondeur temporelle, afin de lui restituer sa charge de controverses historiques et de richesses symboliques, bien loin de cette fausse évidence dont nous sommes tentés spontanément de revêtir ses réjouissances régulières. François Walter, professeur honoraire à l'Université de Genève, est mon invité bienvenu parce qu'il vient de publier, en complicité avec Alain Cabantous, un précieux ouvrage sur ce thème. Un ouvrage qui jette une lumière neuve sur bien des rituels auxquels nous sacrifions spontanément, sans toujours nous interroger sur leur origine et sur leur portée. Cette émission est faite pour être écoutée pendant qu'on décore les sapins, qu'on prépare les bûches et qu'on aligne les santons de la crèche. De ces pratiques familières et de plusieurs autres encore, voici donc la genèse. Il fait bien froid dans la mansarde où la maman pour son bambin ce soir encore veille et s'attarde sur le travail qui doit gagner leur pain. Ce soir pourtant c'est un beau soir de fête et dans la rue l'on s'amuse et l'on rit. Voici Noël et déjà l'on achète 1000 joujoux pour la joie des petits. Et la maman qui songe à son enfant est descendue de chez elle en disant: pourquoi donc mon petit n'aurait pas de joujou quand les autres en ont tant qu'ils brisent? Et devant un bazar à l'abri des regards, elle a pris un joujou au hasard. Pour qu'à l'heure où minuit sonne ses 12 coups, le bonhomme tout blanc que l'on attend partout apporte à son petit comme un cadeau du ciel le joujou du Père Noël. La surprenante à l'étalage, voyant son geste, un employé, pour s'expliquer selon l'usage, l'entraîne au commissariat du quartier. Qu'avez-vous fait? Réfléchissez, madame, c'est bien un vol et voler pour si peu. Le commissaire a deviné le drame et de la mère il arrache un aveu. Pour mon petit monsieur, pardonnez-moi, sans réfléchir je m'étais dit pourquoi. Pourquoi donc mon petit n'aurait pas de joujou quand les autres en ont tant qu'ils brisent? Ni le froid, ni la faim, pour moi cela n'est rien, mais l'enfant demandait un pantin. Pour qu'à l'heure où minuit sonne ses 12 coups, le bonhomme tout blanc semble venir chez nous. Je voulais lui donner, comme un cadeau du ciel, le joujou du Père Noël. Minuit là-bas chante les heures, mais à la porte on a frappé. Qui peut venir en sa demeure? Pourtant tout bas quelqu'un lui dit ouvrez. Dans le logis de la pauvre ouvrière, en barbe grise avec son capuchon, ce visiteur c'est le bon commissaire, les bras chargés d'un pantin de carton. Le tout petit dans son rêve l'a vu, et le brave homme alors dit tout ému. Pourquoi donc ce petit n'aurait pas de joujou quand les autres en ont tant qu'ils brisent? Madame, c'est bien peu, vous êtes malheureux, acceptez ce pantin, je le veux. Et pendant que minuit sonnait ses 12 coups, il dit ne volez plus désormais, voyez-vous, il aura malgré tout, comme un cadeau du ciel, le joujou du Père Noël. François Walter, bonjour. Bonjour. C'était la grande Berthe Silva qui interprétait en 1935 la chanson « Joujou de Noël » de Charlis. Je l'ai choisi pour diverses raisons. Après tout, il y a un hommage à un commissaire de police. Et très sérieusement, je songe à toutes les forces de sécurité qui ce soir ne fêteront pas Noël en famille pour protéger notre façon de vivre. J'observe que nous entrons immédiatement dans cette ambiguïté du bonheur, de la richesse et de la pauvreté. C'est Mauriac qui, dans son bloc-notes du 24 décembre 1957, écrivait que les bouchons qui sauteraient dans la nuit du 24 au 25 en l'honneur d'un petit pauvre né en Galilée illustrerait d'abord, je cite, un malentendu qui résume toute l'histoire du christianisme. Qu'en pensez-vous ? Bien, je pense effectivement qu'il y a là ce que nous avons appelé une ruse de l'histoire, hein, qui nous fait penser que Noël a toujours existé d'une manière fixe, avec toute une série de rituels. Et précisément, il s'agit pour les historiens de déconstruire tout cela et de montrer que ces pratiques se situent dans des contextes qui sont toujours des contextes avec des enjeux, et parfois même des enjeux politiques. Oui, et c'est pour cela qu'il est si utile de redonner de la profondeur temporelle. Par exemple, en se demandant d'entrée de jeu quelles sont les origines de cette fête religieuse. Ça n'a pas commencé quelques décennies après la naissance de Jésus-Christ. La date de Noël est très difficile à justifier. On connaît plus ou moins l'année, hein, puisqu'on a fait des travaux pour montrer que la chronologie qui compte notre ère à partir de l'incarnation du Christ était basée sur des prémices erronées et que... Ça commence fait, bien. Oui, c'est que le Christ est né au fond avant Jésus-Christ, en 6 avant Jésus-Christ. Le pape Benoît XVI, le cardinal Ratzinger, s'en est d'ailleurs occupé dans un très savant traité. Oui, mais il n'est pas tellement historien. J'ai beaucoup de respect, mais il n'est pas tellement historien. Mais en fait, tout le monde est d'accord sur la date de l'année 6 avant Jésus-Christ. Mais le jour et le mois, on ne saura jamais avec précision. Pour une raison très simple, c'est que les anciens ne s'intéressaient pas à l'anniversaire de leur naissance. Et donc, jusqu'au 4e siècle, on ne s'est pas vraiment mobilisé sur cette question. On s'intéressait plus au lieu, c'est-à-dire la grange de Bethléem. Il y avait une tradition, effectivement, une tradition déjà pour fixer le lieu à Bethléem. Il semble qu'il y ait déjà eu des liturgies à partir du 3e siècle à Bethléem, dans la grotte supposée de la naissance. Mais une date précise pour célébrer cette fête apparaît seulement au 4e siècle. Probablement d'abord dans les églises d'Orient qui ont choisi le 6 janvier. Et puis pour des raisons éminemment politiques et symboliques, l'église de Rome a choisi le 25 décembre. Ça se passe après le Concile de Nicée. Hein, le Concile de Nicée est très important parce qu'il détermine la manière de fixer la date de Pâques. Quelle date, Nicée ? 325. En même temps, il fixe les dates du solstice au 21 décembre. Une hypothèse astronomique, en somme. Alors, ce sont des calculs très savants, mais c'est important parce que le solstice est pour le Concile de Nicée, pour l'Église donc de ce temps, le 21 décembre, et on choisit quand même à peu après le 25 décembre, qui correspond bien sûr à la date du solstice pour les Romains. Mais je veux dire, c'est quand même assez significatif de découpler en quelque sorte Noël du solstice pour l'Église romaine. C'est très important. Parce qu'on choisit une date qui était libre dans le calendrier. C'était pas une fête préexistante. Il a fallu trouver une date où on n'avait pas déjà des célébrations à l'époque romaine. Et donc c'est entre les fêtes des Saturnales qui se terminent justement vers le 21 décembre et puis les fêtes des Calendes à la fin du mois. Oui, je crois que ça, c'est une hypothèse qu'il faut défendre et qui remet en cause quand même pas mal de choses. Hein. C'est que les Romains auraient fixé ou développé une fête du soleil pour contrer le Noël chrétien qui prenait vraiment une importance considérable. On ne saura jamais, mais votre conviction est faite et vous pourfendez l'interprétation classique d'une continuité par rapport aux précédents païens, c'est cela ? Oui, parce que comme historien, disons, on ne peut pas se satisfaire de cette continuité qui aurait tissé à travers les âges, hein, une continuité en des rites païens et puis une fête chrétienne. Mais au contraire, pour un historien, ce qui est essentiel, c'est de montrer les ruptures et de montrer les transitions dans ce domaine. Le schisme entre Orient et Occident se concrétise notamment dans la diversité des dates. Alors bien sûr, là, il y a une rivalité. Pourquoi l'Église romaine a préféré le 25 décembre au 6 janvier? Probablement parce que le 6 janvier dans l'Église d'Orient était surtout une fête du baptême du Christ. Et donc là, il y a un enjeu apologétique absolument évident, parce que si vous célébrez surtout le baptême du Christ, ça signifie, et c'est une querelle théologique de l'époque, que la divinité du Christ est affirmée au moment de son baptême, à 30 ans, dans le Jourdain par Jean-Baptiste, alors que pour l'Église romaine, la divinité du Christ, elle existe déjà dès que l'enfant naît, 25 décembre, cette date qui a été choisie en fonction de cela. Donc il y a une rivalité ici théologique qui se met en place. Et on peut ajouter qu'il faut tenir compte aussi de cette nécessité absolue pour le christianisme de l'époque de faire coïncider les textes de l'Ancien Testament avec le récit de la nativité. Donc pour fixer la date au 25 décembre, on a tenu compte en particulier d'un verset de l'évangile de Jean au chapitre 3 qui dit que « il faut qu'il croisse pour que je diminue ». C'est une phrase un peu sibylline, mais « il faut qu'il croisse », on a pensé que ça faisait allusion au Christ né au solstice d'hiver, au moment où la lumière commence à croître, alors que Jean-Baptiste, lui, est né 6 mois auparavant, au solstice d'été, au moment où la lumière commence à décroître. Alors ces coïncidences entre les textes et les choix liturgiques sont quand même absolument fondamentales pour comprendre le choix du 25 décembre. Le choix du 25 décembre, donc on sait que c'est en l'an de grâce 354 qu'il a été défini. 354, c'est la deuxième version d'un texte existe déjà en 336. Donc on peut citer les deux dates, 336 ou 354. C'est un chronographe, c'est-à-dire une liste des dates importantes. Et c'est dans ce texte que figure pour la première fois une allusion à une célébration liturgique pour la naissance du Christ. Mais on n'a pas d'autres sources que cela. Alors vous voyez, on peut broder à l'infini là-dessus. C'est à partir de ce 4e siècle, en tout cas, que l'on repère une célébration de Noël. Les célébrations de Noël, les liturgies de Noël, alors on sait là aussi très peu de choses, mais on sait qu'il y avait, en tout cas au 5e siècle, déjà à Sainte-Marie-Majeure à Rome, il y avait une liturgie de Noël. Et d'ailleurs, à Sainte-Marie-Majeure, vous avez une chapelle dans laquelle on conserve une relique de la crèche, donc un morceau de bois qui est censé venir de la crèche de Bethléem. À Bethléem même, peut-être déjà au 4e siècle, on célébrait aussi la naissance du Christ dans une grotte. C'est la seule célébration nocturne d'ailleurs. Pour l'Église catholique, oui, ça c'est effectivement, vous avez raison, c'est important. La messe de minuit, qui se met en place au 5e siècle, est la seule célébration liturgique nocturne, pratiquement jusqu'au début des années 1950, où le pape Pie XII définit la veillée de Pâques comme étant une cérémonie liturgique avec une messe le samedi, la veille de Pâques. Mais avant 1950, il y avait que la messe de minuit comme cérémonie nocturne. Il est aussi utile de noter que se mettent en place des pratiques religieuses, celles de l'Avent, jeûne, confession, etc., qui se définissent progressivement. Là, on est déjà au Moyen-Âge, parce que finalement, c'est une fête liturgique, la naissance du Christ, mais c'est pas encore une grande fête. Hein. Dans certaines églises, par exemple les églises d'Allemagne, on n'a pas célébré la naissance du Christ avant le 8e siècle. Donc c'est plutôt vers le 9e, 10e siècle qu'on commence à formaliser la préparation de cette fête, et que par analogie avec Pâques, on invente un temps de préparation qui est le temps de l'Avent, qui était autrefois un second carême. C'est-à-dire ça durait 40 jours avec un jeûne très strict, et puis peu à peu, on a assoupli les choses pour maintenir que quelques jours de jeûne. Mais en même temps, on comprend, en évoquant cela, enfin aujourd'hui plus personne ne respecte ces obligations, on comprend que pour les catholiques, hein, jusqu'au 24 à minuit, on ne va pas consommer de viande. La veillée de Noël, le 24, se fait avec un repas très léger, le fameux grand souper de Provence, où on mange des escargots, et des cardons, et puis après la messe de minuit, alors là on peut ripailler et manger de la viande, donc le réveillon est une invention aussi de catholique, si j'ose dire. Très vite, il y a des mises en cause des rigueurs de cette fête, et qu'un certain nombre d'interventions surviennent où on s'efforce de bousculer ce qui se passe, et où les prélats sont obligés de tenir serré la bride. La période autour de Noël est très anciennement, évidemment, une grande période de fête, hein, dans toutes les cultures. Hein, c'est un moment mystérieux, que c'est ce que nous appelons maintenant les 12 jours ou les 12 nuits de Noël, un moment de merveilleux et de mystère qui s'explique par la non-coïncidence entre le calendrier lunaire et le calendrier solaire. Là, il y a une espèce d'espace, hein, d'une douzaine de jours. On ne sait pas si on a déjà terminé l'année ou si on a commencé la nouvelle. Dans cette incertitude, se sont logées toute une série de cérémonies et de festivités. On renverse les règles morales, souvent. C'est la tradition carnaval ou des Saturnales, précisément. Oui, alors c'est une période de dérive, d'inversion sociale, avec, par exemple, on élit un roi de dérision, hein, qui momentanément a une certaine autorité, et c'est une autorité débridée avec des transgressions à tous les niveaux. Donc non seulement on fait ripaille, on boit, mais il y a des transgressions jusque dans le domaine sexuel. Et tout cela fait que le temps de Noël est un moment d'agitation, de bruit, de musique. Cela, François Walter, nous conduit très directement à l'archive que je vais vous proposer. Nous allons, peut-être vais-je vous surprendre, entendre une interview de Salvador Dali dans Interactualité, le 24 décembre 1967. Pour moi, représente le moment culminant de l'exhibitionnisme dalinien. Parce que je me trouve toujours à New York. C'est le paroxysme de ma campagne électorale, Noël, puisqu'il y a tous les êtres qui se précipitent sur moi pour m'avoir dans toutes les festivités qui correspondent à cette période. Et moi, j'utilise toujours, vous savez que là-bas, c'est le Santa Claus. Alors, je me suis déguisé l'année dernière en Santa Claus. Et alors, j'ai demandé de l'argent pour des œuvres, tout en mangeant du caviar. Et après, le soir, j'avais gardé la clochette du Père Noël. Comme que j'adore que les gens me remarquent dans la rue, alors cette fois-ci, je me promenais dans la rue et chaque fois que quelqu'un ne me voyait pas, je sonnais la clochette. Alors, on était absolument obligé de se retourner et alors venir me demander l'autographe, etc. Alors, je crois que c'est peut-être la première fois que quelqu'un de suffisamment connu utilise en plus une clochette du Père Noël pour se faire remarquer. Sur le plan religieux, malgré que je n'ai pas encore la foi, comme que je suis catholique, apostolique romain, je remplis tous les devoirs et tous les rites qui sont réglementaires. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeanneney. Voilà qui pourrait, François Walter, susciter quelque indignation chez certains dévots traditionnels. Cette inquiétude n'est pas nouvelle, celle qu'on peut éprouver en écoutant Salvador Dali. Étant donné ce qu'était jusqu'au XVIIIe siècle la célébration de Noël, hein, avec un mélange de rites totalement païens, de bruit, on chante, on arrive à la messe de minuit complètement aviné, et on s'invective, on se bat. La messe de minuit, c'est aussi des lieux de rendez-vous galants. On consomme de la nourriture. Évidemment, on peut comprendre que les églises, à partir de la réforme, ont essayé quand même de mettre un peu d'ordre dans tout cela. Alors, la réforme protestante a été très loin, jusqu'à carrément supprimer. Dans le catholicisme, on a maintenu quand même, on a essayé de maintenir un équilibre entre la gaieté de Noël et puis quand même un certain sérieux, une certaine dévotion. Donc ce qu'évoque Dali, on peut le transposer comme ça dans les siècles passés. Et ça offusquait beaucoup de monde. Mais déjà, on cite dans le livre des témoignages de voyageurs anglais en France au XVIIIe siècle qui vont à la messe de minuit puis qui sortent, mais ils disent, mais qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Parce qu'il n'y a absolument rien de religieux. Et déjà, vous citez l'abbé Muret qui est en voyage en Espagne en 1666 et qui décrit la nuit de Noël de la façon suivante. Noël est la nuit la plus scandaleuse de toute l'année. Elle ne sert qu'au rendez-vous, nous y voilà, à une ivresse presque générale et à des comédies dont on choisit l'autel pour théâtre et dont les religieux sont eux-mêmes les acteurs. Un peu plus tard, en 1724, la messe de Noël à Grasse voit le desservant déplorer, je cite, que les jeunes gens se tiraient entre eux des noix et des oranges. S'envoyaient des noix et des oranges. On y mangeait ouvertement, on y faisait des immondices. Il y avait des jeunes gens appuyant leur tête sur les genoux des personnes du sexe. Et plusieurs étaient avec des bâtons avec lesquels ils couraient dans l'église et se jetaient les uns sur les autres avec des cris confus mêlés de sottises. J'espère que nos auditeurs ne se sentent pas tout à coup incités à copier ces mœurs affreuses. Non, parce que c'est totalement en dehors de notre univers. Hein. À partir du 19e siècle, ça devient excessivement sérieux quand même. On a à l'extrême interdit les messes de minuit, ou des propositions de reporter la messe de minuit à 3h de l'après-midi pour que les gens soient pas trop sous. Dans certains états allemands en particulier, il y a vraiment l'interdiction. Et puis les luthériens et les calvinistes ont été quand même très stricts de ce point de vue-là. Il faut savoir que à Genève, par exemple, il n'y a pas de cérémonie, de liturgie de Noël avant la fin du XVIIIe siècle. On a essayé d'éradiquer ces pratiques dites superstitieuses, mais les usages étaient là, les gens avaient envie de faire de la fête, alors il fallait le canaliser. Noël, c'est ça, c'est comment on arrive à agréger des coutumes anciennes, de récupérer toute cette symbolique solaire, hein, parce que évidemment que dans le christianisme, comme dans toutes les religions du monde, hein, on associe la divinité au soleil et on utilise un langage aussi solaire. Le Christ, c'est le nouveau soleil. On peut pas employer ces termes et puis en même temps faire comprendre aux gens que tout ça est à rejeter par-dessus bord parce que c'est païen. Mais la suite des temps montre Noël en révolution, c'est-à-dire les révolutions à partir de la fin du XVIIIe siècle, dont les acteurs viennent remettre en cause le caractère religieux de Noël. Alors il y a plusieurs épisodes sur lesquels on pourrait s'attarder. Disons, le plus intéressant est quand même déjà au XVIIe siècle la révolution puritaine en Angleterre, où les puritains vraiment étaient farouchement opposés à Noël. Et après la révolution de Cromwell, il y a vraiment la suppression de Noël, si bien que, là on retrouve là notre thème politique, que célébrer Noël, c'est une marque d'opposition au régime de Cromwell, hein, c'est être partisan des Stuarts que de célébrer Noël. Après la fin des puritains, dès que les Stuarts reviennent au pouvoir, eh bien on rétablit évidemment la fête de Noël. Et toutes les révolutions par la suite vont essayer d'instaurer un temps différent. Alors la révolution française, évidemment, avec son calendrier, a supprimé Noël, on a fermé les églises, on a interdit la messe de minuit, avec parfois des conséquences qui étaient imprévues, la diffusion de la crèche. Hein. On dit que la crèche, c'est au fond une miniaturisation de ce qui se faisait autrefois publiquement dans les églises, c'est-à-dire des théâtres religieux. Et donc on replie tout ça dans dans l'intimité de la maison. Et évidemment, encore une fois, à partir de 1793, on voit les églises rouvrir parce qu'on n'a pas pu éradiquer ces habitudes. Il y a encore eu récemment des indignations parce qu'il y avait des crèches mises dans des lieux publics, dans des mairies en France, ce qui est une continuité à cet égard. C'est une continuité parce que durant tout le 19e siècle, hein, vous avez ce combat laïque contre les signes religieux où on se demande mais pourquoi sous un régime laïque on va continuer à fêter des fêtes comme Noël, et donc il y a beaucoup d'associations, surtout des mouvements de libres penseurs qui dès la fin du 19e siècle ont proposé de supprimer Noël et de parler de fête du solstice. Donc on veut réhabiliter des pratiques soi-disant très anciennes, hein, en oubliant qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire de fête unifiée du solstice, mais il y a des quantités de rituels que on agglomère autour du solstice, des fêtes de la fécondité, alors on va faire la fête du sapin, la fête de la bûche, pour remplacer le Noël chrétien. Et il y a des mouvements qui vont dans ce sens, les libres penseurs, mais aussi les Noëls rouges vont aussi dans le même sens. Au moment de la loi de séparation de l'Église et de l'État, 1905, où c'est la modération qui l'emporte, avec Briand, Jaurès, Clémenceau, il y a un personnage qui incarne cette volonté de farouche de combat au nom de la libre pensée, c'est Maurice Allard, le député du Var, qui s'indigne que, je le cite, les administrations chôment encore le jour de la résurrection du Christ et le jour de sa naissance, et c'est en effet un amendement qu'il propose que de changer la signification et le caractère. On fêtera le solstice d'hiver à Noël. Il y reste minoritaire. Mais en 1917 aussi, avec l'arrivée de la révolution bolchevique en Russie, on trouve des phénomènes comparables. Absolument. La révolution bolchevique alors a éradiqué totalement Noël. Et même le Père Noël russe, le Ded Moroche, n'a pas résisté à cette tentative de supprimer ces coutumes. Mais là encore, les usages populaires, finalement, ont triomphé. On a dû assouplir. Même Staline a dû assouplir les pratiques. À condition que l'on coiffe le grand-père Gel, c'est la volonté de Staline, d'une casquette bleue. Les couleurs, effectivement, dans la Russie bolchevique, les couleurs sont pas tellement celles qu'on attend. Et aujourd'hui, encore, le Père Noël russe, il est plutôt blanc et bleu et pas rouge comme nous l'imaginons. À un instant de chromatisme, François Walter, oui. Quelle couleur pour le Père Noël? Aujourd'hui, il est rouge. Je crois qu'une marque de soda, d'ailleurs, a contribué à cela par sa publicité. On observe souvent des Pères Noël blancs autrefois. La question de l'accoutrement du Père Noël, là aussi, il faut détromper les auditeurs et bien leur dire que c'est pas cette marque de soda qui a inventé la figure du Père Noël, puisque déjà au 19e siècle, on a des personnifications de l'hiver, on parle du bonhomme hiver, et puis en Angleterre, déjà au 17e siècle, on utilise le terme Père Noël, hein, dans ce contexte de la lutte contre les puritains, par dérision. On utilise le terme de Father Christmas. Quand on commence à voir des représentations donc colorées avec la chromolithographie au 19e siècle, on voit que très vite on a un personnage avec une grande barbe et un manteau bordé de fourrure, et très souvent il est déjà rouge au milieu du 19e siècle. Ce n'est qu'à plus tard évidemment que ça va se populariser, cette image, et surtout, alors ça c'est ce qu'ont apporté les Américains, c'est ils ont accentué le caractère débonnaire du personnage, et c'est clair que le Père Noël américain, avec son embonpoint et ses joues rubicondes, est très différent quand même des figurations des personnages qui incarnent l'hiver qu'on peut voir sur les gravures du 19e siècle. Et Saint-Nicolas dans tout cela? Alors Saint-Nicolas est malgré tout le prototype de ces personnages. D'ailleurs, Dali lui-même l'a dit, aux États-Unis, on parle encore de Santa Claus, on parle pas de Père Noël. C'est quand même significatif. Saint-Nicolas a comme particularité, contrairement au Père Noël, il a un aspect dual. Et Saint-Nicolas n'est jamais seul, il est toujours accompagné d'un personnage plutôt inquiétant, qu'on appelle de divers noms à travers l'Europe, pour nous le Père Fouettard, le Krampus en Autriche, qui est excessivement inquiétant. C'est un diable avec des chaînes qui fait peur, parce que il y avait cette pédagogie de la terreur. C'est-à-dire, Saint-Nicolas arrivait et distribuait des cadeaux aux enfants méritants, mais il y avait son double inquiétant qui menaçait les enfants, pouvait les emporter dans sa hotte. Après, Rousseau, on pourra aller vite, hein, on pense que le meilleur moyen d'éduquer les enfants que de leur faire peur, donc on supprime ce versant plutôt négatif, il en reste une créature uniquement bénéfique, le Saint-Nicolas, qui devient assez aisément ensuite le Père Noël au moment où on veut gommer l'aspect religieux, ce qu'ont fait les luthériens très vite, qui n'ont plus voulu parler de Père Noël, mais ils ont remplacé ce personnage par d'autres personnifications, l'enfant Christ par exemple, enfin une figure féminine, mais qui a exactement les mêmes fonctions. La laïcisation, c'est l'évolution qui précisément provoque l'indignation de ceux qui ont brûlé le Père Noël le 24 décembre 1951 à Dijon. Cet épisode est extrêmement intéressant d'abord parce que la presse s'en est emparée, François par exemple, et même c'est les journaux relativement sérieux, ont laissé entendre que c'était une conspiration orchestré par les autorités ecclésiastiques. Les études qui ont été faites plus récemment sur cet épisode montrent que, en fait, c'est une initiative de quelques sans-abri qui se trouvaient dans une paroisse et puis qui étaient complètement énervés de voir passer des hordes de Père Noël à scooter qui faisaient de la publicité pour les grands magasins et qui ont décidé de symboliquement de brûler le Père Noël avec l'appui de leur vicaire. Je craignais d'avoir eu tort de parler de certaines autorités ecclésiastiques. Oui, mais un vicaire, c'est quand même une autorité très, très modeste, mais le brave chanoine Kir, il n'en savait rien. Très évidemment. Embarrassé, c'était le maire. On rappelle qu'il était le maire de Dijon à l'époque. Il était le maire de Dijon, oui. Donc, c'est intéressant de voir que c'est une initiative qui part du bas et qui prend une ampleur considérable, qui devient un débat entre intellectuels, puisque des intellectuels, Cocteau, Mauriac, Gilbert Cesbron, se sont affrontés sur ce thème. Et puis, il y a bien sûr cet article célèbre que vous avez déjà cité de Lévi-Strauss, hein, qui part de ce fait divers, mais en réalité, le propos de l'article, c'est quand même de développer une explication anthropologique sur les cadeaux de Noël qui présentent très justement comme une sorte de rançon symbolique. Les adultes utilisent les cadeaux pour, au fond, se prémunir contre les incertitudes de l'au-delà et de la mort. Les enfants sont des sortes de médiateurs. Il a raison parce que une dimension qu'on a complètement oubliée de Noël aujourd'hui, c'est son rapport avec la mort, avec l'au-delà. Dans le cours de cette émission, venons-en au moment où, 19e siècle, la Vulgate voudrait qu'il y ait une sorte de privatisation de Noël. Noël se réfugiant, étant en quelque sorte capté à l'intérieur des familles, notamment de la bourgeoisie. Nous allons voir ça de plus près, mais écoutez donc cet extrait de l'œuvre fameuse de Charles Dickens qui s'appelle Un chant de Noël, qui est ici lu par Guillaume Gallienne dans l'émission Ça peut pas faire de mal sur France Inter le 25 décembre 2010. Charles Dickens avec quelques autres, avec Hoffmann, avec Andersen, a contribué à introduire Noël dans la littérature. Écoutons-le. Joyeux Noël, mon oncle, et que Dieu vous ait en sa garde, cria une voix enjouée. Bah, grogna Scrooge, sornette! Il était si bien réchauffé à marcher d'un pas rapide dans le brouillard et le froid, ce neveu de Scrooge, qu'il en était tout en feu. Ses joues rouges embellissaient son visage, il avait les yeux brillants et son haleine fumait encore. Des sornettes? Noël? Mon oncle, dit le neveu de Scrooge, vous ne parlez pas sérieusement? Si, dit Scrooge. Joyeux Noël! Quel droit avez-vous d'être joyeux? N'êtes-vous pas pauvre? Allons, mon oncle, répliqua le neveu gaiement. Quel droit avez-vous d'être maussade? Quelle raison avez-vous d'être sombre? N'êtes-vous pas riche? Scrooge, qui ne trouva rien à répondre du tac au tac, se contenta de faire « bah » et répéter ensuite « sornette ». Ne soyez pas grognon, mon oncle, dit le neveu. Comment ne pas l'être? Lorsqu'on vit dans un monde d'insensés, joyeux Noël! Ô diable, votre joyeux Noël! Qu'est-ce pour vous que Noël, en vérité? Le moment où vous devez payer vos billets échus sans en avoir l'argent? Le moment où vous vous trouvez plus vieux d'une année et pas plus riche d'une heure? Le moment où vous faites la balance de vos livres pour découvrir qu'au long des 12 mois, chacun de leurs articles s'inscrit à votre passif? Si je pouvais agir à ma guise, poursuivit Scrooge avec indignation, tous les imbéciles qui parcourent la ville en criant « Joyeux Noël !» seraient mis à bouillir avec leur pudding et enterrés avec une branche de houx plantée dans le cœur. Et voilà. Oncle, protesta le neveu. Neveu, répondit l'oncle d'un ton sévère, célébrez Noël comme il vous plaira et laissez-moi le célébrer à ma manière. Le célébrer? Mais justement, vous ne le célébrez pas. Le seul moment que je sache dans le long calendrier de l'année où hommes et femmes semblent d'un commun accord ouvrir librement leur cœur, longtemps fermé, et traiter les gens qui leur sont inférieurs, non en créatures d'une race différente, marchant vers une autre destinée, mais comme leurs vrais compagnons. Et c'est pourquoi, mon oncle, quoiqu'il n'ait jamais mis une once d'or ou d'argent dans mes poches, je crois que Noël m'a fait du bien et qu'il m'en fera encore. Aussi, je répète, vive Noël. Charles Dickens, 1843, François Walter, est-ce que ce texte corroborerait l'idée qu'il y a un tournant au mi-temps du siècle ? Tournant, peut-être pas transition. Et c'est vrai qu'il y a des auteurs, le Casse-Noisette d'Hoffmann, c'est un grand classique à travers la musique de Tchaïkovski, encore aujourd'hui. Le conte de Noël de Dickens. Andersen. Et puis le conte Anderson, en particulier la petite fille aux allumettes. Et on voit dans ces contes, ils forment une sorte de matrice de ce que doit être l'histoire de Noël, les contes de Noël, et en même temps la pratique, comment on doit vivre Noël. Chez Hoffmann, il y a le mystérieux, le fantastique, le merveilleux. Chez Dickens, il y a ce thème de la régénération morale, hein, le vieil avare va devenir tout à coup un bienfaiteur d'humanité. Et puis chez Anderson, ce thème de la pauvreté par rapport à la fête et la mort, hein, puisque la petite fille finit par mourir. La morale bourgeoise s'y retrouve là-dessus, hein, à travers ces histoires. Mais ce qui est important, c'est de bien dire que ce ne sont pas ces auteurs qui ont inventé le Noël bourgeois et les pratiques qui sont encore les nôtres. Elles existent déjà auparavant où on célèbre Noël dans l'entre-soi de la famille bien avant Dickens, bien avant le Noël victorien. C'est aussi le moment où émergent des pratiques, celles que vous évoquez tout à l'heure, la bûche de Noël par exemple et le sapin de Noël. Il faudrait que vous nous en disiez un mot. La bûche, ça permet d'aborder la question du rapport à la mort, en fait, hein, puisque cette nuit de Noël est une nuit de tous les dangers, parce que c'est la nuit où on peut rencontrer des êtres fantastiques, et en particulier le cortège des revenants qui vient de l'enfer et qui vient solliciter les vivants durant la nuit de Noël. La bûche entre dans ce cadre-là, parce qu'à la fois elle a une fonction propitiatoire, hein, parce qu'on jette du vin avant de la faire brûler dans l'âtre, et cette bûche, elle doit durer toute la nuit de Noël, elle ne doit pas s'éteindre, parce que c'est le moyen, le feu, de faire peur aux esprits qui vont éviter de venir dans la maison. Maison dans laquelle on a pris la précaution aussi de prévoir une place, un verre, une place à table, si jamais des revenants, on pense en particulier aux parents disparus, aux âmes des parents disparus, revenaient pendant la nuit de Noël, pendant qu'on est à la messe de minuit. Alors ça, c'est le rituel de la bûche dont il nous reste la variante pâtissière. Alors le sapin. Alors le sapin, c'est très, très complexe aussi. Pour aller vite, je dirais que la période de Noël, célébration de la fécondité, donc il est normal qu'on ait des décors végétaux. Déjà au XVIe siècle, on décore les églises avec des variétés de plantes qui restent vertes, hein, le gui, le houx, les branches de conifères. Donc il y a là aussi une tradition de décoration végétale. Et puis il ne faut pas oublier, et c'est je crois là l'origine véritablement du sapin de Noël, c'est qu'au moment des solstices, on avait coutume tout le monde connaît la pratique du solstice d'été, où on érige des arbres, et les arbres de mai, pour nous ça évoque plutôt le printemps. Mais il y avait également des mais d'hiver, c'est-à-dire où on érigeait des arbres, et à ce moment-là c'était plutôt des conifères pour qu'ils soient verts. Et ça se faisait dans l'espace public ou dans les locaux des corporations. Le problème qui est difficile à trancher comme ça, et on peut pas donner des dates, c'est comment ces pratiques publiques vont peu à peu être adoptées dans l'environnement familial. On sait, parce qu'on le voit sur les images, que Saint-Nicolas avait comme attribut un petit sapin. Donc il est probable qu'au début, on ornait les tables avec des petits sapins. Et chaque convive même avait son sapin. La princesse Palatine qui évoque cette tradition en 1708... Oui, on sait que c'était l'épouse de Philippe d'Orléans, le frère de Louis XIV, qui écrit le 11 décembre 1708 « Je sais bien ce que c'est que Saint-Nicolas pour toute l'Allemagne. Mais je ne sais si vous avez un autre jeu qu'on fait encore en Allemagne, qu'on appelle le Christkindl, comme qui dirait l'enfant Christ, où on dresse des tables comme des autels et qu'on garnit pour chaque enfant de toutes sortes de choses, habits neufs, argenterie, argent soie, des poupées, sucreries et toutes sortes de choses. On met sur ces tables des arbres de buis et à chaque branche, on attache une petite bougie. Cela fait le plus joli effet du monde. J'aimerais encore à le voir à l'heure que je vous parle. » Donc c'est déjà au début du XVIIIe siècle que l'on constate, contrairement à ce qu'on dit souvent, ce n'est pas le XIXe siècle qui a apporté chez nous la pratique du sapin. Non, on a déjà des représentations iconographiques dans les années 1760 en Allemagne. On voit un arbre décoré et puis la visite de Saint-Nicolas. Donc ce qui est important de dire, c'est que le sapin de Noël, c'est pas une invention de la reine Victoria, c'est pas non plus une invention de belle-fille de Louis-Philippe pour lui faire plaisir. On a érigé un arbre de Noël aux Tuileries, ce qui est tout à fait faux du point de vue historique. Mais déjà auparavant, on utilisait, et c'est une coutume qui vient vraisemblablement du nord de l'Allemagne, on faisait des arbres de Noël. Et un des moments forts de sa diffusion, ça a été le congrès de Vienne. En 1815, il y a beaucoup de témoignages à ce sujet, c'est que on a fait la fête, mais on a aussi passé Noël, et les Allemands ont amené avec eux cette coutume de l'arbre de Noël qui a fait sensation dans les salons viennois. Tout le monde a voulu ensuite avoir des arbres de Noël. Et les textes disent bien, et c'est même des rapports de police qui mentionnent qu'il y a eu un bal chez telle princesse et qu'il y avait un arbre à l'allemande. Les policiers sont surpris et les voyageurs anglais qui viennent à Vienne à ce moment-là également notent la chose. On le voit dans des intérieurs aristocratiques. Maintenant, il faut encore beaucoup, beaucoup d'années pour que ça devienne une pratique généralisée. Surtout, donc c'est une pratique luthérienne, les catholiques n'étaient pas très friands de cette habitude, puisque l'Église y voyait vraiment une pratique hérétique. Donc, avant la fin du XIXe siècle, c'est pas l'habitude, le sapin de Noël à la maison. Et je dirais que même dans le sud de l'Europe, c'est guère avant 1950 qu'on fait des sapins de Noël. Donc il y a vraiment un processus très lent de diffusion de cette habitude d'origine allemande. Venons-en maintenant, si vous voulez bien, François Walter, venons-en à relation plus directe entre Noël et la guerre, Noël et la vie publique. Mais Noël et la guerre d'abord, la fameuse affaire de la fraternisation de Noël dans les tranchées en 1914. Christian Carion en a fait en 2005 un film qui a eu beaucoup de succès, Joyeux Noël. Roland Dorgelès en était et il raconte ce souvenir le 25 décembre 1964. C'est évidemment le 50e anniversaire, ce n'est pas par hasard, à Interactualité. Noël dans les tranchées et soudain les fusils se taisent. Nous étions tout joyeux à la pensée de préparer notre réveillon de Noël. Si pitoyable que ce soit en pareille circonstance. Nous avions fait des emplettes, nous avions reçu des envois de nos familles, nous avions même décoré une table sous la caponnière avec des boules de gui que nous avions cueillies dans les arbres, et nous avons fait le plus joyeux des Noëls, chantant, riant, nous amusant. Et puis, vers minuit, il y a eu un instant de silence, puis des tranchées montent une grande voix d'un camarade qui chantait le minuit chrétien, et des voix ont répondu des tranchées allemandes. Alors, il y a des patrouilles qui sont sorties, sont allées au vent des unes des autres. Habituellement, ces jours-là, quand les patrouilles se rencontraient, c'était les coups de feu qui éclataient, c'était des morts qui tombaient, mais là, pas du tout. Les hommes sont partis joyeux de l'autre côté aussi. Et quand elles se sont rencontrées, les patrouilles ont fraternisé. Ces hommes sont échangeant des mots qu'ils ne comprenaient pas les uns les autres. L'un parlant en français, les autres en allemand. Ils ont échangé des poignées de main au lieu d'échanger des coups de fusil. Et toute la soirée et toute la nuit s'est passée ainsi, dans une sorte de fraternisation que nul n'avait prémédité et qui n'avait aucun esprit de défaitisme, puisque ces hommes étaient prêts à se faire tuer. Mais cette nuit-là, tout le monde s'est tué. Les fusils se sont tus. L'artillerie elle-même a apaisé sa grosse voix. Et on a pu croire pour un instant que la nuit de la nativité était une nuit de paix. Il y avait encore 3 années de guerre à supporter. Les états-majors ont été, il faut le dire, un peu désorientés par cet événement et en ont peut-être exagéré le péril. C'est un événement dont on a fait une totale censure. C'est-à-dire que les soldats n'osaient pas écrire ça à leurs parents. Mais d'ailleurs, certains étaient même choqués de ce qui s'était passé. Il faut dire aussi que c'est un événement assez limité dans l'espace. Puis ça concerne une 50aine de kilomètres. Du côté d'Ypres, le front entre les Allemands et les Anglais. Au-delà de cela, ce qui est vraiment tout à fait intéressant, c'est comment on a, au fond, nationalisé et le mode de célébrer Noël, hein, parce que c'est l'affrontement, d'une certaine manière, la découverte de deux modes de fêter Noël, le gui du côté des Anglais et le sapin du côté des Allemands. Ce que je trouve fascinant dans ces épisodes, c'est que du côté allemand, dans les textes de Noël 1914, on est quasiment convaincu que le but de la guerre, c'est défendre le Noël allemand contre le reste du monde. Vous avez des prédications absolument ahurissantes où on vous dit que l'enfant Jésus a revêtu la nature humaine comme il aurait revêtu un uniforme pour défendre la conception allemande de Noël et que les Anglais n'y comprennent rien, les Français n'y comprennent rien à cette vision allemande de Noël. Le contraste est d'autant plus grand entre l'atmosphère intimiste que devrait être le Noël en famille, et puis voilà qu'à cause de la France et de l'Angleterre, on est obligé de passer Noël dans un contexte tout à fait différent. C'est une des spécificités de ces Noëls de guerre, c'est vraiment de montrer l'investissement symbolique, parce que les Allemands se considèrent comme les dépositaires du vrai Noël. Mais ce modèle, il faut quand même remarquer que ce modèle allemand, nous l'avons adopté en quelque sorte par la suite. Il y a donc un double mouvement à propos de Noël, un mouvement de mondialisation, mais qui part d'une appropriation marquée par un certain nombre de pays de la fête elle-même. C'est tout à fait cela. Donc Noël, on dit fréquemment, ça restera une fête très locale parce qu'il y a des multitudes d'usages, mais peu à peu, ça va devenir une fête globale avec une grammaire de signes de Noël qui vont être les mêmes partout, alors qu'au XIXe siècle, c'était quand même très différencié et les Noëls étaient vraiment très nationalisés et même militarisés, comme on vient de le voir à propos de 1914. C'est Rainer Maria Rilke, le poète, qui écrivait « Un véritable Noël ne peut s'accompagner que de vents violents, de longues nuits mugissantes et de chutes de neiges apaisantes ». Un article d'un journal allemand du 24 décembre 1853 affirme que la fête allemande de Noël est l'un des plus beaux traits de notre nationalité. Aucun autre pays ne peut s'enorgueillir de détenir un tel joyau dans la chaîne des jours qui forment l'année. Aucun autre ne sait, comme lui, accueillir le jour de la nativité, marqué en caractère rouge dans le calendrier. Oui, c'est tout à fait éloquent ce genre de phrase. Parce que on est convaincu qu'il y a des usages qui sont propres à certains pays, et notamment l'hiver, par exemple. Pourquoi les signes de Noël, toutes les vitrines de Noël utilisent la neige pour évoquer la fête, et les contes de Noël évoquent aussi la neige, alors qu'on sait pertinemment qu'à nos latitudes, c'est quand même assez exceptionnel de voir un Noël blanc. Dans la presse allemande avant Noël, on l'a vu à plusieurs reprises, on voit que une des grandes questions qui se pose, c'est aura-t-on de la neige à Noël? C'est un vrai débat de météorologie avec des experts qui s'expriment là-dessus. Et s'il n'y a pas de neige à Noël, c'est une catastrophe. Au chapitre de l'instrumentalisation par les pouvoirs politiques de Noël, il y a d'autres chapitres possibles. Je vous propose un autre document qui est le discours de Philippe Pétain, le jour de Noël, le 24 décembre 1940, qui s'adresse au peuple de France. Mes chers amis, il n'est pas encore minuit, mais déjà, beaucoup d'entre vous veillent, comme ils veillaient au cours des années heureuses. je viens leur tenir compagnie. Pour la plupart d'entre vous, ce Noël sera triste. Dans bien des foyers, des places resteront vides, des places d'êtres chers. Beaucoup ne reviendront plus, qui s'asseyaient joyeux l'année dernière, permissionnaires de 10 jours, autour de la table de famille. Que notre première pensée soit pour eux. Ils ont sauvé l'honneur. Mes enfants, Noël, ne l'oubliez pas, c'est la nuit de l'espérance, c'est la fête de la nativité. Une France nouvelle est née. Cette France, ce sont vos épreuves, vos remords, vos sacrifices qui l'ont faite, comme vous saurez la faire belle dorénavant. Mes amis, ayez confiance, reprenez courage, faites ce soir le serment de participer de toutes vos forces à cette grande renaissance, pour que vos enfants connaissent à nouveau des Noëls dans la joie. Serrez-vous ce soir autour de moi, pour que cette France, une France neuve et saine, grandisse et se fortifie. Bientôt, vous verrez luire l'étoile qui guidera votre destin. Bon Noël, mes enfants, et vive la France. La santé, l'étoile, regroupez-vous autour de moi, les remords aussi. Eh bien, on voit à travers ce texte que le modèle du Noël intimiste dans la famille est largement diffusé à ce moment-là, puisqu'il fait allusion à ce Noël particulier où les pères de famille ne sont pas forcément là, ils sont prisonniers, et il y a eu des morts, hein, donc on va célébrer les héros morts pour la patrie, et la famille est quand même réunie, et il y a évidemment les restrictions dues à la situation, donc les cadeaux de Noël ne seront pas ce qu'ils sont d'habitude. Donc il y a là toute une rhétorique qui est tout à fait usuelle, et je dirais que ce discours de Pétain ne diffère pas beaucoup de discours semblables qu'on peut entendre à la radio à ce moment-là en Allemagne par exemple, où Goebbels s'en donne à cœur joie en citant des poèmes de Hölderlin, et ce qui fait suffoquer d'indignation des gens comme Thomas Mann. Je veux dire, là il y a un modèle noélique qui est bien en place, et normalement on devrait pouvoir fêter tranquillement, et c'est la guerre qui met encore plus en valeur, hein, ce qu'on a perdu, puisqu'on ne peut pas célébrer Noël comme on devrait. Il y a aussi cette idée sociale, c'est-à-dire occupons-nous des pauvres, dans la tradition de la charité du 19e siècle, qui doit s'exprimer spécifiquement au moment de Noël. C'est aussi la chanson de Bert Silva et du commissaire. Bien sûr que Noël est un révélateur des écarts sociaux, parce que c'est une des thématiques essentielles de ce moment-là, c'est que les pauvres, hein, ne peuvent pas fêter comme les riches. Hein. Les pauvres en sont réduits à humer le fumet des dindes qui cuisent dans les cuisines des riches, ou à regarder à travers les fentes des volets briller les sapins de Noël, et puis eux, ils crèvent dans la rue. Donc les écarts sociaux sont exacerbés au moment de Noël. C'est une thématique de longue durée, là aussi. C'est le thème de la petite marchande d'allumettes que vous citiez tout à l'heure. C'est ce thème-là, mais on retrouve ça dans des contes russes. Enfin, c'est un modèle narratif qui est très largement répandu et qui fait qu'on a une sensibilité plus grande au moment de Noël à la charité. Alors autrefois c'était ce qu'on appelait la part du pauvre, hein. C'est-à-dire que quand on célébrait Noël dans les campagnes au XVIIIe siècle, on prévoyait quelque chose pour les pauvres. Les pauvres étaient invités. Encore au XIXe siècle, dans certaines situations, les pauvres peuvent venir s'inviter au réveillon des familles plus aisées. Et puis peu à peu, alors le repli sur la cellule familiale, sur l'entre-soi, fait que on oublie ça. On n'a plus que les signes de la charité, hein, une charité médiatisée, médiatique, c'est-à-dire que on est enclin à verser quelque chose sur un compte parce qu'on fait appel à notre générosité à ce moment-là, mais il n'y a plus ce contact direct avec le pauvre tel qu'il existait dans les sociétés anciennes. Je souhaitais que nous ne terminions pas cette conversation, François Walter, sur un mode trop sérieux et trop grave, et voici pour finir un conte de Tristan Bernard, lui ici par Roland Manuel, musicologue éminent. C'est un extrait de la Tribune de Paris, le 23 décembre 1949. Je suis désolé parce que je voudrais raconter un conte de Noël, mais celui que j'ai à vous raconter, je ne voudrais pas attrister notre réunion. Ben, voilà ma petite histoire. Il était une fois une petite fille qui habitait avec sa grand-mère une petite maison perdue au milieu des bois. La nuit de Noël, la petite fille s'endort et elle est réveillée au milieu de la nuit par une sensation inaccoutumée et se dit « il doit être minuit ». Elle se lève, il faisait très froid. La pendule était arrêtée, le feu éteint. Elle s'approche du lit de sa grand-mère, elle voit que sa grand-mère était immobile et toute froide. Elle voit que sa grand-mère était morte. La petite fille se met à genoux sur la descente de lit en peau de tigre. Et elle dit « Père Noël, moi qui attendais des joies, moi qui attendais des plaisirs, vous qui avez voulu que les petits-enfants soient heureux en cette nuit, faites quelque chose pour moi, ne m'oubliez pas, faites que tout renaisse dans cette maison où tout est mort. » Aussitôt, le feu reprend. La pendule remarche, la grand-mère se réveille, le tigre de la descente de lit bondit, mange les oiseaux, la petite fille et la grand-mère. Vous étiez attendu, François Walter, à la fin de ce conte ? Pas vraiment, pas vraiment. C'est assez surprenant, mais encore une fois, Noël prétexte, quoi. On peut raconter n'importe quoi. J'ai envie de terminer notre conversation en vous demandant... Si vous pensez que Noël continue à avoir, je sais bien que les historiens hésitent toujours à prédire la suite, mais compte tenu du long passé de Noël, si vous lui prédisez un bel avenir. Alors, évidemment que Noël tel que nous connaissons aujourd'hui n'a plus rien à voir avec ce que nous avons évoqué. Alors, mais au moins, on n'a pas sombré dans la déploration du temps présent, sur la commercialisation et le dévoiement de Noël. La déploration n'est pas le genre de cette émission. Nous ne sommes pas déclinologues ou déclinistes du tout. Et j'en suis très heureux, et ça permet de constater qu'effectivement, Noël, avec toutes ses contradictions, reste une nécessité parce qu'on a besoin de ce moment d'harmonie et de croire encore à des valeurs comme la valeur de la famille, même si souvent cela a un caractère factice et rempli de faux semblants et les tensions autour de Noël. Mais au moins, c'est une certaine nostalgie qui s'exprime, nostalgie d'une harmonie qui est, semble-t-il, quand même une valeur dont on a besoin pour vivre, pour survivre. Eh bien, l'harmonie est le fait de tous nos auditeurs que j'abandonne, nos auditeurs et nos auditrices que j'abandonne maintenant au bonheur de la célébration familiale. Votre livre, François Walter, rédigé, je le disais, avec Alain Cabantous, s'intitule « Noël, une si longue histoire ». Vous aviez démontré en effet que c'est une longue histoire, parue chez Payot en 2016. D'où vous est venue, je n'ai pas le goût d'être indiscret, mais d'où vous est venue l'idée de ce beau sujet ? C'est un 24 décembre qu'elle vous est arrivée ? Pas vraiment, non. Je dois le dire très humblement, c'est notre éditrice qui a eu cette idée. On a dit bof, Noël, on a déjà tout dit, tout raconté sur Noël, et c'est pas le cas. Hein. Dès qu'on commence à creuser un sujet comme ça, on se rend compte qu'il y a vraiment d'un potentiel énorme. Nous avons évoqué l'article de Claude Lévi-Strauss qui a été réédité tout récemment au Seuil en 2016, qui s'intitule « Le Père Noël supplicié ». Et puis, assurément, c'est votre souhait, nous devons rendre hommage aux divers travaux de Régis Bertrand, qui est un des rares auteurs qui avait, avant vous, travaillé, mais de façon peut-être plus dispersée, sur le beau thème qui nous a réunis ce matin, n'est-ce pas ? Absolument, oui. C'est un chercheur qui a écrit énormément de textes sur Noël, qui est un spécialiste des crèches, mais qui a aussi une vision qui va à l'opposé de la vision simpliste des anthropologues ou des sociologues, notamment en mettant en évidence des composantes comme le rapport à la mort et le rapport à l'au-delà qu'on a complètement oublié aujourd'hui en célébrant Noël. Mais ne jetons pas un voile noir sur les fêtes qui se préparent dans les foyers français. Vous pourrez retrouver une bibliographie complète sur notre site avec les références des documents sonores que nous avons utilisés, qui étaient très variés, comme vous avez vu. Et vous pourrez également écouter, réécouter, télécharger cette émission. Je vous y engage ardemment. Samedi prochain, la semaine sera consacrée sur notre chaîne, sur France Culture, aux émotions. Et pour notre part, nous traiterons de la Grande Révolution. Regardez comme un concentré d'émotions, précisément. Et mon invité sera Guillaume Mazot. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, une émission préparée avec Nathalie Lempereur, Jeanne Guéroux, une émission réalisée comme chaque samedi par Patrick Molinier, avec à la prise de son Pierre Faucillon, avec Nathalie Rouvillain à la discothèque, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Clary Monac. Dans quelques instants, vous allez retrouver Christine Ockrent pour Affaires étrangères.